Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Je voulais vous dire un secret, le voici. La pensée est plus puissante que ne l'est le corps. Elle le mange, l'absorbe et le détruit. La pensée est le plus violent de tous les agents de destruction. Elle est le véritable ange exterminateur de l'humanité, qu'elle tue et vivifie, car elle vivifie et tue. Et je suis convaincu que la durée de la vie est en raison de la force que l'individu peut opposer à la pensée. La vie est un feu qu'il faut couvrir de cendres. Pensez, mon enfant, c'est ajouter de la flamme au feu. Après la mort de Balzac, Alexandre Dumas, le père, lance l'idée d'un monument à la gloire de Balzac. Un génie dont l'œuvre monumentale vise à identifier les espèces sociales de son époque comme Buffon avait identifié les espèces zoologiques. Dans ses romans, où chacun, même les portières, a du génie, comme le disait Baudelaire, Balzac raconte la comédie humaine, l'histoire des mœurs, l'histoire de l'avènement de la bourgeoisie, l'histoire des villes et des campagnes, l'histoire des caractères humains. Gobseck et l'avarice, Rastignac ou l'ambition, Lucien de Rubempré et ses illusions perdues, ou le père Goriot, victime de ses filles. Mais comment le représenter ? Le corps humain est un monde qui remue, qui palpite, c'est la vie. Lorsque vous modelez, ne pensez jamais en surface mais en relief. Faut chercher dans le cou. Faut forcer sur les muscles. Là. Là. L'affaire traîne. C'est Émile Zola, président de la Société des gens de lettres, fondée par Balzac, qui reprend l'idée en 1885. Un premier sculpteur, Chapu, est contacté. Il meurt avant d'avoir fini. Zola demande alors à Rodin, qui connaît mal Balzac, de réaliser une statue. Rodin travaille durant 6 ans, lisant, visitant, travaillant son sujet. La tête de Balzac, le corps nu, un Balzac nu avec un ventre débordant. Ce projet déplaît. Il imagine alors cette sculpture révolutionnaire pour l'époque, une tête imposante, un corps enveloppé d'une robe difforme, la fameuse robe de chambre dans laquelle écrivait Balzac. Un corps long, puissamment allongé, qui perdait toute sa lourdeur dans la chute du manteau en un instant de tragique exagération, écrit Rainer Maria Rilke, secrétaire de Rodin. La statue est encore refusée, parce que trop peu conforme à l'image du grand écrivain et totalement à l'encontre des codes de l'époque. Un écrivain écrit, une plume à la main et un livre près de lui. Scandale. ...1891, nous sommes en pleine affaire Dreyfus. Clémenceau, Monet, Zola, Mallarmé prennent le parti de Rodin. L'affaire devient politique, car les soutiens de Rodin sont tous Dreyfusards. La statue ne sera pas fondue en bronze et reste dans l'atelier de Rodin, qui écrivit « Si la vérité doit mourir, mon Balzac sera mis en pièces par les générations à venir. Si la vérité est impérissable, je vous prédis que ma statue fera du chemin. Cette œuvre dont on a ri, qu'on a pris soin de bafouer parce qu'on ne pouvait pas la détruire, c'est le résultat de toute ma vie. » Et c'est seulement le 1er juillet 1939 qu'elle fut installée au Carrefour Vavin à Paris, tandis qu'un autre exemplaire était fondu pour le musée Rodin. Cette année 2017, qui fête le centenaire de sa mort, n'en finit pas d'explorer toutes les facettes de cet immense artiste qui bouscula les règles et les corps, sortit la sculpture de son académisme, donnant à ses sujets une audace, une liberté, dont on reste aujourd'hui encore ébahi. Je regarde cette sculpture passant souvent à Montparnasse et chaque fois, je repense à cette phrase de Rilke, « Un corps long, puissamment allongé, qui perdait toute sa lourdeur dans la chute du manteau en un instant de tragique exagération. » Balzac y est mieux représenté que dans un fidèle portrait, corps en avant, regard défiant l'univers, massif, il défie le temps et la société, agité, mortel, identique à elle-même dans ses travers qu'il a si bien décrits. Une statue de génie.